En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. La maladie de Saxe. Et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Adaptation, Pauline Timonier. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. En 1998, la maladie de Saxe expose le quotidien d'un médecin de campagne. Entre consultations au cabinet médical, visites à domicile et permanence à l'hôpital, le docteur Saxe écoute, soigne et décide. En l'espace de 7 jours, entre septembre et juin, ce sont les habitants d'un canton qui se dévoilent. 12e épisode. Samedi 29 mars. Visite à domicile. On sonne à la porte. Maman me caresse la joue, se lève et sort dans le couloir. Je l'entends ouvrir la porte. Bonjour, docteur. Bonjour, madame Calvino. Merci d'être venue. C'est pour mon fils. Le docteur Boulle est absent en ce moment et il m'avait dit que je pouvais faire appel à vous. Nous nous sommes déjà vus. Un dimanche, il y a quelques mois, vous étiez de garde. Je me souviens, et j'ai reconnu votre accent au téléphone. Maman rit. Pardon. Un homme entre, je ne l'ai jamais vu. Maman m'a dit que ça ne serait pas Jérôme, mais qu'il était gentil lui aussi. Il est grand, presque aussi grand que Jérôme. Mais il a des cheveux noirs, des lunettes foncées, et on dirait qu'il ne s'est pas rasé ce matin. Il a une veste de cuir, une grande sacoche, et il joue avec ses clés. Il me sourit. Il a une dent du haut ébréchée. Bonjour, petit bonhomme. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne réponds pas. Il pose sa sacoche sur la table basse et s'assoit près de mes pieds, au bord du canapé. Il me regarde. Il ne dit rien. Réponds, mon chéri. Je regarde maman. Je suis désolée. Elle me regarde. Il a fallu que je parlemente toute la soirée et une partie de la matinée pour qu'il accepte que je vous appelle. Avec le docteur Boulle, bien sûr, ça se passe toujours bien. Il le connaît depuis qu'il est né, il n'a jamais eu peur de lui. Mais quand il s'absente, c'est toujours difficile. Et comme par hasard, c'est souvent pendant les vacances qu'il est malade. J'entends la tristesse dans la voix de maman, mais j'entends aussi quelque chose d'autre. J'entends qu'elle parle à cet homme avec la même confiance qu'à Jérôme. Alors, je mets ma main sur mon cou. J'ai mal là. Depuis quand, petit bonhomme ? Depuis 3 jours. Je lui donnais de l'aspirine quand il rentrait de l'école, et ça passait. Et hier soir, il s'est mis à faire de la fièvre. Je voulais attendre le retour du docteur Boulle. D'habitude, je n'attends pas si longtemps, mais là, il est parti une semaine et il ne rentre que lundi. Pendant que maman parle, il l'écoute en continuant à me regarder. Et en dehors de la fièvre, à un moment, je l'ai vu lever un sourcil, mais il n'a rien dit. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'examine aujourd'hui ? Tu vas m'examiner comme Jérôme ? Si tu veux, tu n'as qu'à me dire comment il fait d'habitude. Il commence par quoi ? Je soulève mon pyjama, ok doc. Et après, j'examine quoi ? Le ventre. Et après, on regarde les oreilles ou la gorge ? Les oreilles. La gorge, on fait ça à la fin. La cuillère, ça me donne envie de vomir. Tu vois, moi... J'utilise pas de cuillère. Ah bon ? Vous auriez un miroir ? Oui. Tenez. Alors, ouvre grand la bouche, tire la langue et dis-moi ce que tu vois au fond. Pendant que je tire la langue, il braque la lumière d'une lampe de poche droit sur ma gorge. Au fond de ma bouche, je vois 2 grosses boules blanches. Dis et... Pas terrible, hein? C'est une angine blanche, mon bonhomme. Ta maman a bien fait de m'appeler, tu aurais passé un mauvais week-end, elle aussi, et je suis sûr que ton médecin sera content qu'on n'ait pas attendu son retour pour te soigner. Bon, alors ce sera sirop, antibiotiques, aspirine, et tu aimes la glace? Ah oui. La glace à quoi ? Toutes les glaces. Mais je préfère la glace au citron. Bon, alors, glace au citron pour les 3 jours à venir. Je le regarde. Je me demande s'il me fait une blague. Vous en avez, j'espère ? Ah oui, toujours. Maman va chercher son sac pour le payer. Au moment où elle revient avec son carnet de chèques, Il lui tend seulement une ordonnance et lève la main. Non, je vous en prie. Si, si, j'y tiens. Elle le regarde. Elle me regarde. Elle insiste. Elle s'installe à sa table, au fond du salon, et elle écarte son clavier pour pouvoir écrire le chèque. Il regarde l'écran de l'ordinateur. Si ce n'est pas indiscret, vous travaillez chez vous ? Oui, je suis traductrice. Et que traduisez-vous ? Oh, un peu de tout. Des manuels, des romans parfois, des catalogues, des bandes dessinées. Alors, la jeune fille sage, traduite par Flavia Calvino, c'est vous ? Vous connaissez ? Eh oui, je connais. C'est pas une bande dessinée pour enfants. Non, mais je suis contente de pouvoir la traduire. C'est un travail régulier et pour moi ça compte. Je trouve ça très bien traduit. C'est un genre acrobatique et vous vous en tirez très bien. Maman est toute rouge. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Sauf une fois. Nounou me ramenait de l'école. Et maman est sortie de sa chambre avec Jérôme. Elle lui donne le chèque. Il le glisse dans la poche de sa veste. Il lui tend la main. Elle serre sa main sans rien dire. Puis elle dit merci, tout doucement. Il se tourne vers moi. Soigne-toi bien, petit bonhomme. Est-ce que tu vas revenir me voir la semaine prochaine ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, tu vas guérir très vite. Dans 2 jours, tu iras mieux, tu pourras retourner à l'école jeudi prochain. Et puis, si ça ne va pas, le docteur Boulle viendra te voir. Mais dis-moi, comment tu t'appelles ? Jérôme, comme le docteur Boulle. Et un jour, je serai docteur comme lui, et comme toi. J'étais externe en pédiatrie. Un soir, on m'a imposé de veiller un prématuré. Je n'avais pas le choix. On manquait de personnel et chaque externe devait consacrer un certain nombre de ses nuits au service de réanimation néonatale. J'ai dû rester une nuit entière dans une chambre où survivait, tant bien que mal, une crevette de 7 mois et demi, petit homard humain échaudé d'avoir été trop tôt arraché aux entrailles maternelles. On l'avait allongé sur le dos dans une boîte en plastique. Un tuyau fourré dans sa narine aspirait les sécrétions de ses poumons. Un autre lui perforait la peau du ventre pour délivrer une solution nutritive directement dans son estomac. Une perfusion était fixée à un pied, l'autre sur le sommet de son crâne dénudé. Il devait peser 1,5 kg, peut-être 2. Sous la coque en plastique, ses allaitements étaient à peine audibles au milieu des machines et des pleurs des nourrissons hospitalisés dans la salle voisine. Il me faisait mal, ce petit être humain. Ses membres étaient liés par des bandes aux 4 coins de la boîte. De temps à autre, il portait sa bouche à son poing minuscule. Il penchait la tête vers lui. Sa langue suçait l'espace qui les séparait. Puis, au prix d'un effort surhumain, pendant quelques secondes, il parvenait à se téter les phalanges. Ce prématuré, cet enfant, cet être humain, on m'avait demandé de le toucher le moins possible, sinon pour faire les gestes ordonnés. Mais je mettais des gants. Je passais les mains au travers des orifices de sa boîte. Je le caressais du bout de mes doigts caoutchoutés. Je posais ma bouche sur le plexiglas et je lui parlais. Je lui racontais des histoires. Je lui fredonnais des chansons. Toutes les demi-heures, je devais aspirer les sécrétions de ses poumons. Il fallait mettre la machine d'aspiration en marche, brancher un cathéter propre, le plonger dans ses narines et aspirer. Il se mettait à bleuir et à suffoquer chaque fois que je le faisais. Mais on m'avait bien dit qu'il fallait aspirer, inexorablement, jusqu'à ce qu'il ne vienne plus rien dans la bouteille. Toutes les 4 heures, il fallait que je lui fasse une piqûre intramusculaire d'antibiotiques dans la fesse. La première fois que je l'ai faite, il s'est mis à hurler. Puis il s'est arrêté de respirer, il s'est tordu de douleur pendant de longues minutes, et j'ai cru que je l'avais tué. Je l'ai regardé, paralysé, sans oser aller demander de l'aide, coupable de m'être débrouillé comme un manche et d'avoir entraîné sa perte. Certes, on m'avait dit où et comment planter mon aiguille, et je l'avais fait comme prescrit, mais on ne m'avait pas dit que ça lui ferait aussi mal. Je ne lui ai pas fait les autres piqûres. Je ne l'ai pas aspiré toutes les demi-heures. Je le regardais, je posais mon oreille contre la couveuse, et je ne l'aspirais que lorsque sa respiration se mettait à gargouiller, et juste assez pour le débarrasser de ce qui le gênait. Au petit matin, j'ai enlevé mes gants, je me suis savonné les mains pendant 10 minutes et je les ai glissés, nus, sur lui pour le caresser. Ses doigts se sont refermés sur mon petit doigt. Son poing l'a attiré vers sa bouche et il l'a tété. Je suis resté debout contre la boîte. Je le regardais et je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Au matin, quand je suis parti, j'ai haï tous ceux qui nous avaient fourrés là, tous les deux, sans réfléchir à ce que ça voulait dire. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais pas s'il est mort de n'avoir pas été soigné comme on me l'avait ordonné. Je ne sais pas s'il a été opéré. En quittant le service, je m'étais juré de revenir le voir tous les jours, mais je n'en ai pas eu la force. Quand j'ai enfin eu le courage de revenir, la chambre était vide et je n'ai pas osé demander de ses nouvelles. Entrez ! Entrez, docteur, je suis dans la cuisine. Restez assise, madame Destouches. Bonjour, docteur. Excusez-moi, je passe un peu tard, mais j'ai eu beaucoup de consultations. Non, mais je vous en prie, docteur. Je comprends. De toute manière, j'ai tout mon temps, vous savez bien. Mais le samedi après-midi, la pharmacie est fermée. Aujourd'hui, madame Grivel est de garde. Ah, tant mieux. Elle est bien gentille. Elle me dépanne toujours quand j'ai besoin. Elle me dit qu'elle s'arrange avec vous. Mmh. Alors, quoi de neuf? Ouf, pas grand-chose, docteur. L'infirmière est passée ce matin faire mes pansements. Mmh. Les ulcères ne bougent pas. Ça n'est ni mieux ni pire. Au moins, ils ne me font plus mal comme avant. Mais je vais manquer de compresses et de sérum. Tenez, j'ai tout écrit là-dessus. Bon, je vais prendre l'attention quand même. Elle ne doit pas être bien élevée. C'est bien. Ah, la dernière fois j'avais 12, comme d'habitude. Pourquoi est-ce que ça monte? Est-ce qu'il faut que je change le traitement? Non, non, surtout pas, c'est pas dramatique, vous savez, à votre âge d'avoir 13. C'est même plutôt bien. Ah bon? Mais comment ça? Bien, voyez-vous, chez les gens un peu âgés... Je vous en prie, docteur, j'ai 83 ans, ne me ménagez pas. À ce propos, docteur, je voulais vous demander... Oui. Vous savez, ça me fait toujours drôle de vivre ici. Depuis que nous avons déménagé de notre petite maison, je suis un peu perdue. C'est plus confortable, j'imagine. Oui, oui, oui. Ça, y a rien à dire. Là-bas, j'avais que 3 pièces, et puis la chaudière à charbon, ce n'était pas toujours très sain. Et l'été, il faisait très chaud. Mais, enfin, c'était chez moi. J'ai vécu avec mon mari... Tous mes enfants y sont nés, sauf l'aîné, puisque j'ai accouché dans la charrette de mon mari. Les grands dormaient dans la salle sur des banquettes qu'on repliait le matin. Et il y avait toujours un bébé au pied de notre lit, forcément. Elle n'était pas à nous, mais le loyer n'était pas cher. Je ne comprends pas que le propriétaire ait voulu que je m'en aille. C'est sa mère qui nous l'avait loué. Elle n'a jamais fait d'histoire. Mais on vous a relogé ici? Oui, mais pour ça le maire a été gentil. Dès que ces logements ont été prévus, il est venu dire tout de suite qu'il y en avait un pour nous. Et puis ces logements sont faits pour les vieux comme moi, et pour les jeunes qui n'ont pas encore beaucoup d'argent. Mais... Mais ? Je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment chez moi. Et puis maintenant, je me sens seule. Georges vous manque ? Oui. Je ne devrais pas vous le dire. Je sais que vous n'étiez pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut me comprendre, il buvait tellement les derniers temps. Il était toujours ivre. Il ronflait toute la journée. C'était impossible de le bouger quand il était sur le lit. Des fois, il glissait par terre. Et forcément, avec un seul bras, il ne pouvait plus se relever. Et moi, pas question que je l'aide. Alors c'est vrai, quand ma fille a proposé ça, j'étais scandalisée. Et à la vérité... Ça me fait plaisir que vous preniez la défense de Georges et que vous lui disiez que vous ne signeriez pas le papier. Mais à la fin, c'était plus tenable. Il cassait tout à la maison. Il se mettait à se battre avec les gens, à leur casser leur vélo ou leur rétroviseur. Et bien sûr, il venait me voir après. Et j'y étais de ma poche. Quand ma fille a remis ça, j'étais fatiguée. Je me suis dit, s'il casse tout comme ça dans le logement, on ne voudra pas que j'y reste. Ou alors ça va me coûter une fortune. Et avec ma pension, je ne peux pas me le permettre. Et alors qu'est-ce que je deviendrai? Vous m'aviez dit aussi que c'était compliqué maintenant de faire enfermer quelqu'un. Mais ma fille s'est débrouillée. Elle connaissait quelqu'un qui travaillait dans un centre, à 30 kilomètres de l'autre côté de Tourmence. Comme Georges est pensionné, sa pension sert à payer. Moi aussi, je donne un petit quelque chose. Enfin, pas beaucoup. Il paraît qu'ils ont un très beau parc. Ils peuvent se promener. Mais il répète tout le temps qu'il veut revenir ici. Ma fille m'a dit qu'ils ont déjà dû aller le rechercher deux fois dans les bois. Forcément, il essaie de sortir. Mais il y a un mur. Voulez-vous qu'il revienne? Oh, mon Dieu, non. Il m'en a trop fait voir. Et puis, ma fille ne serait pas d'accord. Et son mari a menacé de ne plus m'amener mes petits-enfants si Georges continue à vivre ici. Mais, vous comprenez, c'est mon fils. Il me manque. C'était une compagnie, malgré tout. Pendant des années, avant qu'il se mette à boire autant, il m'aidait beaucoup, malgré son handicap. Il faisait les courses, il repeignait les volets, il coupait du bois. Et puis son moignon s'est mis à le faire souffrir. Ça n'a plus été. Avez-vous de ses nouvelles? Pas souvent. C'est compliqué de l'appeler au téléphone. Et puis, il ne dit pas grand-chose. En fait, il ne me dit rien. Il ne veut pas me parler. Il m'en veut, j'en suis sûre. J'ai laissé enfermer mon propre fils. Vous savez, docteur, s'il n'avait pas été là, je ne serais pas vivante aujourd'hui. La première fois que vous êtes venu me voir, que vous m'avez envoyé au docteur Lance et qu'il m'a opéré de ce rein qui s'était infecté, c'est Georges qui voulait que je vous appelle. Mon docteur, c'était le docteur Jardin. Mais lui, il fallait toujours attendre 3 jours pour qu'il passe. Il ne nous prenait jamais au sérieux. Et ça faisait déjà 3 jours que je n'allais pas bien, que j'avais 40 de fièvre et que je ne mangeais plus rien. Et Georges, s'il avait pu faire le numéro de téléphone, il l'aurait fait. Mais je lui avais interdit. Alors il n'a pas osé. Au bout de 3 jours, il a croisé Madame Leblanc et il lui a dit que je n'allais pas bien. Et Madame Leblanc vous a dit de venir. Mais en fait, moi, je ne voulais pas voir de médecin. J'en avais assez de vivre. Vous savez, j'étais soulagée à l'idée de mourir. Je n'avais pas peur. Je n'avais plus qu'assez. J'ignorais ça, Madame Destouches. Bien sûr. Je ne vous l'ai pas dit parce que c'est grâce à vous et au docteur Lance que je suis encore là. Mais c'est à cause de Georges que je ne suis pas morte. Nous restons là un long moment sans rien dire. Toi à me tenir la main. Et moi à pleurer sur ces années que mon fils m'a données et dont je ne voulais pas. Le discours médical est comme le cancer, il prolifère. Chaque nom de maladie renvoie à des sens multiples, des allusions, des prolongements, des sous-entendus, des variantes, d'autant plus nombreuses que pour une même maladie, il n'existe presque jamais d'aspect caractéristique, mais des formes plus ou moins fréquentes, typiques ou exceptionnelles, définies selon les signes étonnants qu'elles peuvent provoquer, mais jamais par la personne qui en souffre. Dans ce pays, les maladies, comme les syndromes, portent le nom des médecins qui les ont, sinon observés, du moins décrits pour la première fois. Elles ne portent jamais le nom de la personne qui en souffrait. Ce qui montre bien à quel point la maladie appartient au médecin, à une caste, à un groupe qui seul en détient la jouissance. Maladie du professeur Truc, syndrome du docteur Machin. Pourquoi pas une insuffisance rénale aiguë de Destouches, un syndrome malin hépatique de Désoulière, un cancer ulcéro-asphyxiant de Guillou. Donner aux maladies le nom des médecins, c'est faire de toutes les personnes qui en sont atteintes une sorte d'extension du savoir, du pouvoir, de la gloire du médecin alanois qui a collé son nom à la con sur une saloperie à la mort-moelleux. Ouais. What's up, Doc? Je te dérange? Ah, salut, Ray. Non, pas du tout. Comment vas-tu? Moi? Je pète le feu, mon vieux. Je vais très bien depuis qu'ils m'ont mis sous, comment tu l'appelles, ce médicament œcuménique, là, qui stimule les blancs et les rouges et tout le reste. Bon, il paraît que ça va durer que quelques mois seulement. C'est ton copain Zim qui me l'a dit. Mais tu connais l'histoire du type qui saute du haut de Empire State Building, hein? Non, je ne crois pas. Mais si, je te l'ai raconté 100 fois. Tu sais bien, chaque fois qu'il passe devant une personne penchée à sa fenêtre... Ah oui, dit, oui, ça me revient. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Mais c'est pas pour te parler de ma santé que je t'appelle, my friend. Happy birthday. Oh, t'es adorable, Ray. You're a big boy now. Combien? 37? 38? Non, pas encore. 34. Oh, what do you know? You're just a kid. Kate me jurait que t'avais plus. Comment on peut se tromper, hein? Ok. En tout cas, on voulait te souhaiter ça aujourd'hui. On voulait venir te voir ce soir, mais Kate s'est souvenue que tu es de garde, right? Right. Et en plus, ça risque d'être agité. Il y a une épidémie d'oreillons en ce moment. D'oreillons? Measles? No, mumps. Mumps! Watch your nuts, man! T'inquiète pas, je les ai eus quand j'étais petit. Bon, si un de ces soirs, on a envie de débarquer sans prévenir, tu nous mettras pas à la porte, hein? Non, bien sûr, on va organiser ça. Je te rappelle dans la semaine, d'accord? Suits me fine. En attendant, je t'embrasse. Bye. Bye. Sous la fente où l'on glisse le courrier, je trouve une grande enveloppe Kraft, un pli du Dr. Sachs. Les dernières factures de l'année écoulée, les justificatifs de ses revenus annexes, les souches de carnet de chèques qui me manquaient, je vais pouvoir compléter son dossier. Au fond de l'enveloppe, il y a une feuille pliée en deux que je n'avais pas vue. Cher monsieur Scribe, j'envisage de prendre un remplaçant une fois par semaine le jeudi, je pense. Évidemment, je veux lui assurer un fixe convenable, même s'il travaille peu au début. Pourriez-vous me faire une de ces simulations dont vous avez le secret et me dire si c'est concevable actuellement sur le plan financier? Je vous appellerai dans quelques jours. Merci d'avance. Amicalement, Bruno Sachs. À m'inquiéter. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. J'en ai marre de vivre. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Parce que j'ai 70 ans passés et mon fils me fait du souci. Parce que j'ai bientôt c'était 80 ans et je La maladie de Sachs de Martin Vinclair. Adaptation Pauline Timonier. 12e épisode. Avec Vincent Schmitt, le docteur Sachs, et parce que Rémi Goutalier, Christina Scaliotti, Nita Klein, Christophe Brault, Jerry Di Giacomo, Martin Sels. Parce que j'ai 90 ans. Parce que j'ai 30 ans, mais j'ai déjà mal partout. Bruitage Bertrand Amiel. Parce que j'ai presque 60 ans et je voudrais que ça continue. Musique originale Dominique Massa, Jean Rondeau, Erwan Ricordo, Clémence Gouet. Équipe de réalisation Claude Niort, Sébastien Labarre, Cécile Lafont, Jean-Mathieu Zande. Parce que j'ai passé la cinquantaine et il serait temps. La maladie de Sachs est publiée aux éditions POL et aux livres de poche.